Nous avions fini nos propos par ce hadith-là. Lorsque Isa ibn Maryam est parti poursuivre le Dajjal pour le tuer, il l'a rattrapé dans un endroit en Palestine qui s'appelle Madinat al-Lud. Et il l'a rattrapé à Indabab al-Lud, c'est-à-dire aux portes de cette ville-là, à l'est de la ville. Et à ce moment-là, il le tuera à l'arme blanche. À la suite de ceci, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui est long, mais il faut que je le dise, car il y a beaucoup de choses dedans. Isa alayhi salam sera au sein de ma communauté un sage, hakaman adlan, un sage, un juste et un chef équitable. Il brisera la croix et égorgera le porc. Il abolira l'impôt de soumission. Et ici la traduction elle est fausse, ce n'est pas Isa qui va abolir l'impôt de soumission, c'est le prophète qui l'a déjà aboli, alayhi salatu wassalam. Et cette abolition de cette loi-là, de l'jizya, va devenir effective dès que Isa va arriver, alayhi salam. Hein? Ça, c'est important de dire ça, car le prophète Isa n'est pas venu en tant que législateur. Non, la législation est déjà scellée, puisque Allah dit tabaraka wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Donc, qui va abolir la jizya? C'est le prophète qui l'a déjà abolie, mais il l'a conditionnée dans le temps. C'est-à-dire qu'elle sera abolie, hukmuhu mansour, inda nuzuli Isa ibn Maryam. Dès que Isa ibn Maryam va descendre. D'accord ? C'est lui qui va appliquer cette abolition. Hadan Nasr. Idan, Isa ibn Maryam va aussi abolir l'impôt, soumission, et maintiendra l'aumône. Ni brebis ni chameaux ne seront plus convoités, les querelles et la haine seront effacées, c'est-à-dire que les gens vivront dans la prospérité, dans les richesses, dans le confort, et toutes ces choses-là ne seront plus convoitées, d'où, par voie de conséquence, il n'y aura plus de querelles entre les gens. La course après l'argent, la course après les richesses. Les querelles et la haine seront effacées. Les venins seront retirés de tout animal venimeux, de sorte qu'un enfant posera sa main sur un serpent sans aucun danger. Un enfant fera fuir un lion sans aucun danger. Le loup se promènera au cœur des moutons comme un chien de troupeau. La terre sera remplie de paix comme un vase rempli d'eau. Les gens seront unis et seuls. Allah sera adoré. Et effectivement ici, il y a quelque chose de très important à comprendre. C'est que lorsque Isa va venir, alayhi salam, il rétablira bien sûr la religion d'Islam. Il appellera l'islam au monothéisme pur, et en plus de ça, il viendra réfuter sur les chrétiens qui l'adoraient en dehors d'Allah. Donc, je disais, juste avant ça, je disais que l'impôt de capitation, c'est cet impôt que payent les juifs et les chrétiens en terre d'islam, sous contrepartie de la sécurité que les musulmans leur occasionnent et leur procurent, ils doivent payer un impôt. Cet impôt-là, quand Isa va venir, il sera abrogé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sera soit l'islam, soit al-harb, la guerre. Il n'y aura pas de troisième voie. Soit ces gens-là accepteront l'islam, et dans ce cas-là, ils seront sous la tutelle de Isa ibn Maryam, soit alors Isa ibn Maryam leur déclarera la guerre, comme on déclare la guerre à des muharibines, à des mécréants qui, justement, refusent de payer l'impôt de capitation. Donc, Isa n'acceptera aucune religion autre que l'islam. Là. Ensuite, la guerre déposera les armes et Quraysh sera dépossédé de son pouvoir. La terre sera comme une table en argent, c'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala, ici, il a donné cette image de Al-Zalaqa, wa satakounu l'ordu ka Zalaqa. Al-Zalaqa, en fait, c'est un miroir. Ici, c'est une façon de dire, c'est pour dire que la terre sera lavée de tout ce qui pourrait la corrompre, la salir. Et elle sera aussi nette qu'un miroir. Elle fera pousser des richesses de l'époque d'Adam au point qu'une seule grappe de raisin suffira à rassasier un groupe de gens, de même qu'ils apaiseront leur faim autour d'une seule grenade. Le taureau vaudra beaucoup d'argent et le cheval se vendra pour une poignée de dirhams. Le taureau plus cher que le cheval. Alors bien sûr, les compagnons se sont étonnés de ça. Comment ? Taureau, le bœuf sera plus cher que le cheval. Vous savez que les Arabes attachent une grande importance aux chevaux d'une manière générale, puisque par le cheval, il faisait la guerre, il se déplaçait à grande vitesse. Donc c'est comme si on compare un tracteur avec une Mercedes à notre époque. Oh messager d'Allah, pourquoi le cheval sera-t-il peu cher? Alors le prophète a dit, il ne sera jamais plus utilisé dans la guerre. Il n'aura plus cette utilité-là. Oh messager d'Allah, et pourquoi le taureau sera-t-il si cher? Il labourera la terre entière. Donc ici, puisqu'il n'y aura plus de guerre, les gens porteront leurs yeux sur les taureaux ou sur les choses qui leur profiteront directement comme le labourage de la terre. Avant qu'ils n'apparaissent, il y aura 3 années de famine où les gens seront éprouvés par la faim extrême. Nous reviendrons, Inch'Allah, à la suite de ce hadith par la suite. Ce qui apparaît clairement dans les hadiths, c'est que quelque temps après, il va y avoir une grosse épreuve que vont subir les croyants et les mécréants aussi de manière générale. Mais avant de vous parler de ce grand événement qui va arriver, je dois vous expliquer pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé Isa ibn Maryam. Quelles sont les sagesses d'avoir envoyé Isa ibn Maryam et pourquoi il n'a pas envoyé un autre prophète? Pourquoi n'a-t-il pas envoyé Moussa par exemple? Ou Adam? Ou Nour? Ou Ibrahim? Pourquoi Isa? Les savants ont émis plusieurs réponses. Premièrement, lorsque Isa va venir, ce sera bien sûr une réfutation sur les juifs, puisque eux prétendent qu'ils ont déjà tué Isa ibn Maryam. Non. وَمَا قَتَلُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهْ لَهُ. Ils ne l'ont pas tué, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala en Coran, mais ceux qu'ils ont tués n'étaient qu'un semblant ou qu'une personne qui avait des traits similaires à Isa ibn Maryam. Donc lorsque Isa va revenir, bien sûr, non seulement c'est une réfutation contre eux et contre leur mensonge sur le fait qu'ils ont dit qu'ils avaient tué Isa ibn Maryam, deuxièmement, et le comble, c'est que Isa va les combattre et va tuer leur chef qui est Al-Masih al-Dajjal. Comme on disait il y a deux semaines, c'est un clin d'œil de l'histoire aussi. Aussi, parmi les choses qu'évoquent les savants, pourquoi Isa est descendu, c'est que Isa alayhi salam a vu la valeur de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'Injil. Wa mathaluhum fil Injil ka zar'in akhraja shat'ahu fa azarahu cette description des croyants autour du prophète mentionné dans l'Injil, ceci a, comme le disent ces grands savants, a émerveillé Isa ibn Maryam. Donc il a voulu par ceci faire partie de cette communauté. Donc il a invoqué Allah pour en faire partie, et voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de le faire revenir à la fin des temps. D'ailleurs, l'imam al-Zahabi rapporte dans son livre qui s'appelle Tajrid Asma al-Sahaba, a dit que Isa ibn Maryam est un compagnon du prophète. Je vous rappelle la définition d'un compagnon dans Sahabi. Al-Sahabi huwa kullu man laqiya al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa amana bihi wa mata ala dinihi. Ça, c'est le tarif d'Ibn Hajar al-Asqalani, qui dit, al-Sahabi, c'est qui? Comment on définit un Sahabi? Sahabi, c'est toute personne qui a rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en son message, et qui est mort sur sa religion. Quand bien même une apostasie est venue entacher sa foi. Par exemple, on va prendre n'importe quel Sahaba, et on va voir s'il correspond à cette définition du Sahabi. On va prendre, par exemple, Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr al-Siddiq a cru au message du prophète. Il l'a rencontré. Il lui a parlé, il l'a rencontré. Il a cru en son message et il est mort sur la religion du prophète. Donc, sur la base de cette définition, c'est un sahabi. Tufayl al-Asadi, c'est un compagnon qui s'est converti à l'islam. Puis, lorsque le prophète est mort, il a apostasié sa religion en refusant de payer zakat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au Chem. Lorsque Abu Bakr a envoyé des armées pour les combattre, il s'est enfui au Chem. Or, au Chem là-bas, il est retourné dans l'islam une seconde fois. Naam. Wa hasuna islamuhu wa qatala wa qutila wa qatala wa qutila wa stushhida fi sabilillah. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a combattu, il a parfait son islam, il est rentré une deuxième fois dans l'islam, il a combattu, il s'est fait tuer, il est mort martyr. Celui-là aussi est considéré comme un sahabi, quand bien même il y a eu une apostasie qui a entaché justement son islam. Mais du moment qu'il est mort dans la foi, il est considéré comme un sahabi. Donc, Isa aussi, sur la base de cette définition, est un sahabi. Pourquoi? Est-ce qu'il a rencontré le prophète lorsqu'il a fait le voyage nocturne de Mecca à Beit al-Maqdis? Arrivé à Beit al-Maqdis, le prophète a prié avec tous les prophètes. À ce moment-là, Isa l'a salué. Aussi, lorsqu'il est monté au ciel, Isa aussi l'a accueilli. Donc il a rencontré le prophète, il a cru en son message, et bien sûr il mourra dans l'islam. Sur la base de ceci, l'imam al-Zahabi a dit que Isa fait aussi partie des compagnons du prophète avec toutes les faveurs qui sont les leurs. Aussi, parmi les raisons que les savants ont citées pour lesquelles Isa est revenu sur terre, c'est qu'il doit mourir sur terre. Il n'y a pas un prophète qui est mort au ciel. Tous les prophètes, et le meilleur d'entre eux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est mort sur terre. Donc Isa ne fait pas exception à la règle. Aussi, c'est une réfutation sur qui? Sur les chrétiens, bien sûr. Et Isa va les combattre, va leur proposer l'islam, et s'ils ne l'acceptent pas, il les combattra. Puis aussi, il va casser la croix et tuer le porc. Ce sont des signes qui ont des valeurs symboliques à notre époque concernant leur religion. La consommation de viande de porc et bien sûr la croix. Isa va détruire toutes ces symboles, toutes ces symboliques. Aussi, le prophète a dit, alayhi wassalam, ça c'est important à comprendre, c'est qu'il y a une proximité entre le prophète Mohammed et Isa ibn Maryam. Une proximité dans le temps. C'est-à-dire que le prophète qui est venu avant Mohammed sallam et Isa ibn Maryam. Et d'ailleurs, pour ceci, le prophète a dit, alayhi wassalam, « Ana awla an-nasi bi Isa ibn Maryam, fa laysa bayni wa baynahu nabiyyun. » Il dit, je suis le plus à même de me réclamer de Isa ibn Maryam. Ou alors, on peut le traduire autrement, je suis le plus à même d'être le plus proche de Isa ibn Maryam, car il n'y a pas entre moi et lui de prophète. Et c'est pour ceci aussi que Isa ibn Maryam a annoncé la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa rasoulan, mubashirun yati min ba'di ismuhu Ahmed. Lorsqu'il annonça, il a dit qu'un prophète annonciateur viendra après moi du nom de Ahmed. Pour toutes ces raisons, nous pouvons comprendre pourquoi Allah a voulu que ce soit Isa ibn Maryam qui descende. Et bien sûr, la dernière raison que j'ai oubliée, mais c'est la principale, c'est qu'il doit mourir, comme toutes les créatures doivent mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وَنَبْلُوَهُمْ بِالْخَيْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Alors, Isa va régner, il sera à la tête des musulmans, et il va juger par quoi? Par le livre d'Allah et par la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme ceci est venu dans le hadith authentique de l'imam al-Bukhari. Il jugera par le livre d'Allah et par la sunna du prophète, et il ne viendra pas avec une nouvelle législation, avec de nouvelles lois. Après ce que je vous ai cité dans le hadith, comme quoi les croyants vont vivre des années de prospérité, à ce moment-là, Allah va informer Isa ibn Maryam en lui disant, des gens vont sortir, deux peuples vont sortir parmi mes serviteurs, serviteurs dans le sens ontologique du terme, c'est-à-dire des serviteurs, pas des adorateurs d'Allah, des serviteurs dans leur essence, des créatures, si on le veut, envers lesquelles ou face auxquelles vous n'avez aucune capacité à combattre. Alors, Allah dira à Isa ibn Maryam, « Agriz ibadi ila Jabal al-Tur. » Prends mes serviteurs, et là ici, serviteurs, ce ne sont plus les créatures, ce sont les musulmans, les adorateurs d'Allah, qui seront sous la tutelle de Isa ibn Maryam. Allah lui demande de prendre ces serviteurs-là, c'est-à-dire les croyants, et de se réfugier dans les hauteurs de Jabal al-Tur, de la montagne de Tor, dans le Sinaï. Donc vous voyez que même Isa n'a pas la capacité de les combattre. Donc qui sont Ya'juj et Ma'juj? Ces deux peuples-là qui sont issus des Bani Adam. Bani Adam, c'est important que je dise ça puisqu'il y a des paroles qui disent que ce ne sont pas des êtres humains ou d'autres qui disent qu'ils sont juste des descendants de Adam mais pas des descendants de Hawa qui est Ève. Bref, sur ça il n'y a aucun dalil. Mais ce qui est authentique, c'est la parole de la majorité des savants, c'est qu'ils sont aussi descendants de Adam ou Hawa, au même titre que les autres êtres humains. Ils ont été cités deux fois dans le Coran, dans deux endroits différents, et ils ont été cités dans de nombreux endroits dans les hadiths du prophète. Ya'juj wa Ma'juj. Que signifient ces deux termes? Ya'juj wa Ma'juj. Certains ont dit que ces deux noms sont arabes. Ce sont des noms étymologiquement parlant arabes, qui vient du verbe adjatinaru ajijan idha talahabat, c'est-à-dire lorsque le feu flambe et est très vigoureux et très ardent, on dit du feu qu'il est ajij, ajijatun, ou narun ajija, d'où la racine adja ya'udju أجت النار إذا تأججت أجيجة وأجيجة. Donc quand le feu flambe, on emploie ce verbe là. Aussi Maja Majuj. Maja, ça veut dire en arabe Ittaraba, c'est-à-dire vaciller, trembler, être perturbé, ne pas être stable. Hein? Donc on retrouve ces notions de la langue arabe, on retrouve dans la dénomination de ces deux peuples-là qui, effectivement, portent bien leur nom, si on peut le dire comme ça, hein? Comme on va le voir. D'autres ont dit que non, ces deux noms-là ne sont pas d'origine arabe, ce sont des noms d'origine non arabe. Asma ou Ajamiya. À la kulli hal, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la réalité de ces gens-là et qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, Allah dit, tabaraka wa ta'ala, hatta futiha ياجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الله تبارك وتعالى دي et ça c'est à la fin de sourate al-Anbiya, jusqu'à ce que soient relâchés les Ya'juj et les Ma'juj et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. Nam al-hadab, justement al-murtafi' min al-ard. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs, bien plus, nous étions des injustes. Donc ici, ce qui est important à comprendre, c'est premièrement que ces deux peuples-là ont été cités dans le Coran, donc ils ont une réalité. Un. Ça, c'est pour tous ceux qui disent que Ya'juj ou Ma'juj, en fait, ce ne sont pas des peuples, ce sont des faits de société, des choses immatérielles. Non, ce sont bien deux peuples réels. Deuxième chose, ici, il y a une allusion directe au fait qu'ils sont liés à l'approche de l'heure. Puisque Allah dit tabaraka wa ta'ala, c'est alors que la vraie promesse s'approchera. Et effectivement, Ya'juj ou Ma'juj, au khurujuhum min alamati sa'ati al-kubra. Partie des grands signes de l'heure. Ça, c'est le premier endroit où ils sont cités. Bien sûr, le deuxième endroit où ils sont cités, ça vous le savez, c'est à la fin de Surat Al-Kahf, où justement Dhulqarnayn, qui était un roi vertueux, kana malikan salihan min al-arab wa kana arabiyan. C'était un arabe. Hein, contrairement à ce que disent certains, qui le renvoient à Alexandre le Grand, ceci est faux. Puisqu'entre Alexandre le Grand et cet homme-là, il y a presque 2000 ans d'écart. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, Alexandre le Grand, c'était un mushrik. Wathani yul mushrik mulhid. Naam, amma hada Dhulqarnayn kana salihan. Naam, c'était un homme vertueux, un roi vertueux qui était sous les ordres d'Allah, tabarakatuh. Donc, rien à voir avec Alexandre le Grand, barakallahu fikum. Naam. Allah, tabarakatuh, bien sûr, à la fin de cette sourate, donc on va le lire ensemble, a ordonné à Dhulqarnayn de parcourir la terre d'ouest en est. Puis, du côté du Bachelir, du côté de l'est de l'Orient, il est arrivé à un peuple qui n'avait pas une manière de s'exprimer qui était correcte. كَانُوا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا. Alors, cet endroit-là, comme le dit Allah dans Tabarak wa Ta'ala, dans ce verset coranique, est situé entre deux montagnes. Et il trouva derrière elle une peuplade ou un peuple qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent, alors là, écoutez bien, parce que ici Allah dit que ils ne comprenaient presque aucun langage, et même plus que ça, ils avaient du mal à s'exprimer, et pourtant ils entament un dialogue avec Dhulqarnayn. On pourrait voir qu'il y a une contradiction. Les savants expliquent que ici Dhulqarnayn a reçu cette faculté de les comprendre et de se faire comprendre. Là. Alors, qu'est-ce qu'ont-ils dit? Ils ont dit, il y a Juj ou Ma'juj, commettre du désordre sur terre. Yufsidun afil ard. Est-ce que nous pourrions t'accorder un tribut, c'est-à-dire un salaire, pour construire une barrière entre eux et nous? Il dit, dans le Qur'an, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. C'est-à-dire que il n'a pas besoin des biens matériels ou des biens de cette vie d'ici-bas, ce qui prouve que c'était un homme vertueux qui avait une hauteur, une grandeur d'âme. Non. Donc il a dit, ce que m'a conféré mon Seigneur est mieux que ce que vous me proposez. Aidez-moi donc avec toute votre énergie et je construirai un rempart entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer, puis lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit soufflez, Puis lorsqu'il lui rendit une fournaise, il dit « Apportez-moi du cuivre fondu que je le déverse dessus. » Ici, la termine, le verset en arabe dit « Hatta idha sawa bayna sadafayni » C'est-à-dire que ce rempart que Dhul-Qarnayn a construit avec l'aide de ces gens-là et son peuple, avait la même hauteur que ces deux montagnes. C'est-à-dire, il est immense. Hein? Immense, et en plus de ça, fait dans un alliage de cuivre et autres qui est presque indestructible. Ça aussi nous prouve, ça c'est une autre parenthèse que j'ouvre, que les gens avant avaient des connaissances bien plus évoluées que l'on peut concevoir. Les gens à l'époque avaient des connaissances évoluées dans toutes sortes de choses, notamment ici dans la construction d'édifices solides, avec ces différents alliages. Je referme la parenthèse. Alors, qu'est-ce qui est important à comprendre ici? Il dit, il fait mention du Ya'juj ou Ma'juj. Mais les versets ne s'arrêtent pas là, puisque Allah dit, tabaraka wa ta'ala, lorsque Dhul-Qarnayn a fini ce barrage, il a dit, hadha rahmatun min Rabbi. Ceci est une miséricorde de mon Seigneur. Il a remercié Allah, tabaraka wa ta'ala. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Écoutez bien, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, c'est-à-dire en amont de l'heure du jugement, lorsque devra déferler Ya'juj ou Ma'juj, c'est une promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala, il le nivellera et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres et on soufflera dans la trompe et nous les rassemblerons tous. Donc ici on est bien juste avant l'heure du jugement et le souffle dans la trompe. Hein, les frères? Donc, alhamdulillah, ce signe-là est corroboré, ce grand signe de la sortie de Ya'juj, Ma'juj est corroboré non seulement par le Coran, mais aussi par les nombreux hadiths authentiques de la Sunna. On se doit d'y croire. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها فقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شغل قد اقترب فقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بين أصبعيه الإبهم والتي تليها هكذا فقالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث حديث صحيح رواه الإمام البخاري في الصحيح. Que signifie ce hadith? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est introduit dans la demeure de Zainab bint Jahsh, qui est son épouse, la mère des croyantes. La mère des croyants, radiallahu tabaraka wa ta'ala. Et le prophète a dit, La ilaha illallah, nulle divinité digne d'être adorée sauf Allah. Malheur aux Arabes d'un mal qui s'approche. Alors, le prophète a fait comme ça, a lié ses deux doigts et a dit, Il fut fait une brèche, ou il a été fait une brèche dans le mur de Ya'juj ou Ma'juj, aussi grande que ça. Non. Alors, Zainab a dit, comment, Ya Rasulallah, est-ce que nous périrons tous, quand bien même il y a parmi nous des gens vertueux? Et le prophète a dit, oui, quand le mal et la corruption et la perversion se répandront. Quand ceci deviendra quelque chose, une norme, quelque chose de général, alors à ce moment-là, ils sortiront et bien sûr pourront être tués des croyants. Ils viendront quand? Ils viendront après que Issa aura tué le Dajjal, comme nous l'avons dit. Qu'il aura frotté, donc Issa, qu'est-ce qu'il va faire? Après avoir tué le Dajjal, il va frotter le visage des croyants et il leur annoncera leur degré au paradis. À ce moment-là, Allah s'adressa à Isa ibn Maryam et lui dira « J'ai relâché certains de mes serviteurs, personne ne peut les combattre. » Qui sont-ils? « Ya'juj wa Ma'juj. Réfugie-toi ainsi que mes serviteurs sur la montagne de Tour. Par Allah, où Allah tabaraka wa ta'ala les lâchera, de chaque hauteur ils déferleront. Le premier ou les premiers d'entre eux passeront par le lac de Tabariya qui se trouve en Palestine actuelle. Non. Palestine occupée on dit, puisque officiellement c'est Israël. Mais bien sûr, c'est un État qui n'a aucune valeur pour nous. Nous disons la Palestine occupée. Alors, ils passeront par la Palestine où il y a ce lac là de Tabaria, et tous les premiers parmi Ya'juj et Ma'juj buveront de ce lac là jusqu'à ce qu'il deviendra asséché. Ensuite, lorsque les dernières vagues arriveront dans ce lac là, aux abords de ce lac là, ils diront: il y avait à l'époque de l'eau ici. Imaginez-vous, à chaque fois qu'ils passeront devant un point d'eau, ils en buveront toute l'eau. Ils assécheront toutes les rivières, tous les lacs. Ça, ça nous prouve qu'ils sont très très nombreux. Puis, ils assiégeront Isa et les croyants autour de Jabal Tour. À ce moment-là, ils auront tué beaucoup de gens, commis beaucoup de corruption sur terre, sauf les croyants qui se seront réfugiés avec Isa ibn Maryam dans Jabal Tour. À ce moment-là, ils diront cette phrase-là. قتلنا أو غلبنا على حسب الرواية من في الأرض فتعالوا نقاتل أو نغلب من في السماء. Nous avons eu la domination sur les gens de la terre, venez afin que l'on combatte maintenant les gens au ciel ou ceux qui sont au ciel. Alors ils décocheront leurs flèches et leurs lances vers le ciel et elles reviendront vers eux couvertes de sang. À ce moment-là, ils croiront qu'ils ont tué aussi ceux qui étaient aux cieux. Amen. À ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala va descendre vers sur eux une vermine, qu'on appelle un naraf. Un naraf, ce sont ces daudes, espèce de ver qui rentre dans le nez des chameaux et qui provoque beaucoup de dégâts. Allah tabaraka wa ta'ala enverra ces naraf et qui seront dans leur cou, la raqabatihim, et qui les feront périr les uns après les autres. C'est comme ça qu'Allah va les tuer, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Isa demandera à Allah de nettoyer la terre et Allah tabaraka wa ta'ala va envoyer des oiseaux dans Taïr bi'arnaq al-bukht, c'est-à-dire avec des coups aussi longs que les coups des chameaux de Khurasan, puisque le bukht ce sont les chameaux de Khurasan dans les centrales qui ont un cou assez long. Ces oiseaux auront les mêmes coups que cela et chaque oiseau viendra prendre ses cadavres et les emmener dans un endroit qu'Allah aura voulu. Je reprends exactement les termes du hadith. Ensuite, Allah fera descendre une pluie qui rendra la terre comme un miroir. Ceci, c'est le hadith de l'imam Muslim. Muslim aussi rapporte que les croyants se réfugieront d'abord fi Jabal al-Khamr. Jabal al-Khamr, c'est Bayt al-Maqdis. Pourquoi on l'appelle Khamr? C'est pas par rapport au vin. Khamr en arabe, Khamara, ça veut dire couvrir. Et en fait, cette montagne, ce mont-là, aura tellement d'arbres et de végétation qu'il couvre en fait la terre, on ne peut pas la voir. Donc les croyants se réfugieront ici, ensuite ils iront dans Jabal Tour. Ce qui est flagrant lorsqu'on lit tous ces hadiths, je l'avais parlé la semaine dernière, c'est que le prophète nous parle de quoi? De chevaux, de chameaux, de lances, de flèches, d'armes blanches. Ils sont où toutes les armes de destruction massive qu'on voit actuellement? Non, certains pourraient nous dire votre prophète n'est pas aussi précis que ça. Non, la réponse elle est simple. Si le prophète nous a informé de ceci, c'est que les gens reviendront au combat à l'arme blanche et que les gens reviendront sur leur monture comme ce fut avant, sur leurs chevaux, sur leurs chameaux, etc. Non, certains savants disent que tous ceux qui construisent des armes de destruction massive actuellement périront par ces armes-là. Et ils se combattront les uns les autres jusqu'à ce que ces armes de destruction massive n'auront plus lieu d'être sur Terre. Et il restera aux gens le combat à l'arme blanche. C'est-à-dire flèches, lances, etc. L'imam Tirmidhi a rapporté ce hadith, c'est Ibn Majah, autant fait par Cheikh Al-Albani. Quand Ya'juj ou Ma'juj va mourir et qu'ils auront justement ces armes blanches, puisque eux aussi ils combattront à l'arme blanche, les croyants pourront allumer le feu par le bois de ces armes-là pendant 7 années consécutives. Tellement le bois, il sera profus, il sera nombreux. Toutes les armes de Ya'juj ou Ma'juj suffira pour allumer 7 ans de feu. Ce qui augmente le nombre de ces gens-là. Après cet événement, les gens vivront sur terre jusqu'à la mort de Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam, les savants ont divergé combien de temps il va vivre sur terre. Il y a 2 versions et 2 hadiths sont authentiques. Certains disent 7 ans, d'autres disent, ou la deuxième version, 40 ans. Et en fait, pour comprendre les deux versets du hadith, puisque le prophète ne se contredit pas, sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il suffit en fait de comprendre que Isa a déjà vécu combien de temps sur Terre? 33 ans. 33 ans plus 7, ça fait 40. Donc le premier hadith, lorsque le prophète a dit, Isa vivra 7 ans sur Terre, effectivement, au moment où il descendra, jusqu'à ce que Allah le fera mourir. 7 ans, plus les 33 ans qu'il a déjà vécu avec son peuple, au final, on a bien 40 années. Voilà comment on réunit les deux hadiths. Après cet événement, donc après la mort de Isa, l'islam qui était au summum va perdre de sa splendeur. Il va perdre du terrain et le mal va se répandre de nouveau sur terre jusqu'à ce que le Coran sera élevé, que la science disparaîtra et qu'Allah prendra toute âme possédant une base de foi. Effectivement, le mal et la corruption va redevenir une norme sur terre. Après cette époque de Isa ibn Maryam. Et pour ceci, on a le hadith de Hudhayfah ibn al-Yamani, le prophète a dit à Sallallahu alayhi wa sallam, yudrasu l'islam kama yudrasu washu thawb. Yudrasu ici, darasa, ça ne veut pas dire étudier, darasa, ça veut dire s'effacer. Indarasa, s'effacer. L'islam s'effacera petit à petit comme les dessins sur un vêtement s'effacent dans le temps. Ils perdent de leur splendeur, perdent de leur couleur, etc. Donc l'islam perdra de son éclat petit à petit et il sera remplacé bien sûr par ce qui l'oppose, c'est-à-dire la corruption, la mécréance, le shirk. Alors le prophète a dit « Yudrasu islam kama yudrasu washu thawb hatta la yudra ma siyam wa la salat wa la nusuk wa la sadaqa » ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض من آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير العجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. C'est-à-dire, le prophète a dit à cette fois salam, il n'y aura plus de siyam, il n'y aura plus de jeûne, plus de prière, plus d'aumône, plus de rites du pèlerinage. Jusqu'à ce que le Coran va être élevé en une nuit, puisqu'il n'y a plus personne qui l'applique. Et il ne restera plus sur terre un signe. Il ne restera que des gens, des groupes de gens. Et le vieux qui dira, ou des vieux qui diront « La ilaha illallah » sans savoir ce que ça veut dire. Et lorsqu'on leur posera la question, ils diront « Nous avons vu nos pères et nos ancêtres dire cette parole et on l'a dit, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. » La science partira. Le hadith est rapporté par l'imam al-Hakim à la Charte Muslim wa sahahahu Sheikh al-Albani. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la taqumu as-sa'atu illa ala shirar al-khalq. L'heure ne se lèvera que sur les pires des créatures. Ce qui veut bien dire que l'islam sera élevé et les musulmans partiront avant l'heure du jugement et les grands troubles de la fin du monde. Sallallahu alayhi wa sallam. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. L'heure ne se lèvera pas avant qu'il n'y ait sur terre personne qui le dise Allah Allah. C'est-à-dire des gens qui sont en marge de l'islam, qui sont non croyants, qui sont loin de tout ceci. Parmi les signes de l'extinction de l'islam, les savants évoquent le Hajj qui ne sera plus accompli. Shaitan sera obéi. Les gens reviendront à l'adoration des divinités, notamment Dhul Khalsa. C'était une divinité qui appartenait à la tribu de Taous, la tribu arabe d'abord. Elle sera adorée de nouveau. Imaginez-vous, divinité adorée de nouveau. Et aussi Al-Lat ou Al-Uzza seront adorés de nouveau. Shaitan va jouer avec eux comme des enfants jouent avec un ballon. Et bien sûr, dépravation morale et accouplement des gens dans la rue, jusqu'à ce que le prophète a dit à Sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre eux ce jour-là, dira à ces gens-là qu'il verra en train de s'accoupler dans la rue, faites ça derrière un mur. Pourquoi ne faites-vous pas ça derrière un mur? Ça, ce sera le meilleur des gens à ce moment-là. Sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, il va y avoir la destruction de la Kaaba. Puisque l'imam al-Bukhari a rapporté que le prophète a dit à Sallallahu alayhi wa sallam, Ka'anni andhuru ilayhi. Aswadul afhaj yankuduha hajaran hajaran. Cet homme-là qui va détruire la Kaaba, on l'appelle, ou le prophète l'a appelé, sallallahu alayhi wa sallam, Zou Assouiqataini. Zou Assouiqataini, c'est-à-dire l'homme aux deux jambes courtes. Cet homme-là, c'est un Habashi, un Éthiopien. Bien sûr, pas croyant. Et c'est lui qui viendra détruire la Kaaba. Et le prophète a dit, c'est comme si je le voyais de mes propres yeux en train d'enlever pierre par pierre. Quand il va arriver, quand il va détruire la Kaaba, il faut savoir, les frères, que la Kaaba n'aura plus le lieu d'être sur terre puisqu'il n'y a plus personne qui fait le hajj. Il n'y a plus de croyants. Hein? Et comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, les signes, les grands signes se succèdent les uns les autres. Et peu de temps après, il va y avoir un signe majeur qui va aussi marquer un tournant dans l'histoire de l'humanité. C'est le lever du soleil sur l'Occident. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la takumu sa'atu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha fa idha tala'at ra'aha an-nas fa amanu ajma'u حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Le prophète a dit à Sallallahu alayhi wa sallam, l'heure ne se lèvera pas jusqu'à ce que le soleil se lève de son occident. Et lorsqu'il se lèvera, les gens le verront de leurs yeux et ils croiront tous, puisqu'ils sauront à ce moment-là que c'est un signe d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ce sera un jour où la foi ne sera d'aucune utilité pour celui qui n'avait pas cru avant ou qui avait acquis par sa foi du bien, c'est-à-dire les œuvres pieuses. Là, mes frères, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la porte du repentir est fermée. Celui qui était croyant ce jour-là restera croyant. Celui qui était mécréant ce jour-là ne pourra plus revenir dans la foi. Et toute personne dans la croyance qui était croyant, qui aura acquis des bonnes œuvres, ce jour-là, à partir de ce jour-là, elles lui seront comptées et son compteur s'arrêtera. Hein? Et toute personne croyante qui voudra accomplir des bonnes œuvres par la suite, ceci ne lui servira à rien. Hein? C'est comme pour marquer, pour fermer la porte et pour marquer un tournant décisif. Et Allah dit tabaraka wa ta'ala qui vient corroborer ceci. يَوْمَ يَأْتِ بَعْدُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. C'est le verset numéro 158 de la sourate numéro 6. Allah dit tabaraka wa ta'ala, et le jour où viendra certains de nos signes, et ici bien sûr le signe c'est le lever du soleil sur l'Occident, alors la foi de quiconque ne sera d'aucune utilité pour celui qui n'avait pas cette foi au préalable, ou alors pour celui qui avait acquis des bonnes actions basées sur cette foi-là. Et le prophète a dit à Sallallahu alayhi wa sallam, la tanqati'u al-hijratu hatta la hijra ne sera d'être jusqu'à ce que le repentir soit fermé. Et le repentir sera fermé dès lors que le soleil se lèvera de son occident. Puis le prophète a dit à Sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, et lorsqu'il se lèvera, on scellera le cœur de chacun. Et on ne demandera plus aux gens d'agir. Ferme les compteurs. Il a été rapporté que les gens vivront 120 ans après ce signe-là. Après ce signe du soleil, les gens vivront 120 ans après cet événement. Et je voulais vous dire aussi que les savants divergent. Certains disent que, d'ailleurs ça c'est la parole de l'imam al-Qurtubi, que les gens, que effectivement lorsque le soleil se lèvera de l'Occident, les gens verront ce signe probant, mais leur foi ne leur sera d'aucune utilité. L'imam al-Qurtubi et certains d'autres savants qui sont minoritaires disent que après, quand ce signe va partir et que les gens vont vivre certaines années, nous avons dit 120 ans, les gens ne se rappelleront plus de ce signe-là et Allah tabaraka wa ta'ala va réouvrir les portes du Tawba. C'est comme si le signe-là est venu fermer les portes du repentir à cet instant-là. Pourquoi ? Parce que les gens justement voient un signe probant, donc la foi n'est plus d'aucune utilité ici. Mais après, lorsque les gens vont oublier ce signe-là, Allah va réouvrir les portes du repentir. Ça, c'est la parole de l'imam al-Qurtubi, de certains, mais le qawl al-sahih, c'est que, à partir de ce moment-là, il a yawm al-qiyama, il a nafr fissour, la porte du tawba est fermée. Jusqu'au souffle dans la foule. Et ça, c'est le qawl jumhur al-ulama, par la majorité des savants. À la suite de ce signe-là, il y aura un autre signe de taille, qui va venir juste après, puisque le prophète les a cités les deux dans un seul et même hadith, c'est une bête qui sortira de la terre et qui parlera aux gens. Dabbatun takhruju min al-ardi wa tukallimu an-nas. Une bête qui sortira de la terre et qui parlera aux gens. Et Allah dit à cet effet, tabaraka wa ta'ala, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Ça, c'est le verset numéro 82 de la sourate numéro 27. Sourate An-Naml, verset 82. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, et lorsque la parole sera effective, la parole de ton Seigneur, lorsque la parole d'Allah sera effective sur eux, nous ferons sortir une bête de la terre qui parlera aux gens. Et certes, les gens n'étaient pas convaincus de nos signes. Et Abdullah ibn Mas'ud a expliqué c'est quoi waqa' al-qawl. Waqa' al-qawli, l'avènement de la parole quand elle tombera sur eux. Abdullah ibn Mas'ud a dit c'est trois signes. Waqa' al-qawl, mawtu al-ulama, wa dhihabu al-ilm, wa raf'u al-Qur'an. À ce moment-là, quand les savants mourront et que la science sera élevée et que le Coran sera élevé, à ce moment-là, waqa'a al-qawlu 'alayhim, la parole tombera sur eux et Allah fera sortir la bête de la terre. Là. Donc cette bête parlera aux gens après être sortie de la terre et marquera tasimul kuffar 'ala kharatihim, c'est-à-dire sur leur nez. De telle sorte que on reconnaîtra le croyant, le mécréant, avec cette trace-là qu'il aura sur le bout du nez, il sera marqué dessus kafir. Par contre, le croyant, lui, la bête, illuminera leur visage. Comme ceci a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui est authentique, rapporté par Al-Tirmidhi et autres, authentifié par Cheikh al-Bani, d'après la version de Abi Umamata al-Bahili. Les savants ont divergé sur le fait comment sera cette bête, ou qui est cette bête, quelles sont ses descriptions, sa description. Certains ont dit que c'est une extension de la chamelle de Salih. Elle a une forme pratiquement similaire, ou en partie, à la chamelle de Salih. C'est une parole chez les savants. L'autre parole, c'est de dire que c'est cette bête qui se trouve sur l'île, sur une île qu'on appelle Jassousa, cette espionne. Lorsque Abi Ruqayyah al-Tamimi ibn Aws al-Dari, qui était chrétien, lorsqu'il a pris le bateau avec ses co-religionnaires, ils sont arrivés sur une île, ils ont trouvé cette bête couverte de poils, qui est une espionne pour le Dajjal, puisque après ils ont été voir dans cette même île, le Dajjal en personne enchaîné. Alors Abu Ruqayyah, cet Tamim, est revenu voir le prophète, l'a informé de ce qu'ils avaient vu, et le prophète a confirmé que c'était le Dajjal, sur cette île-là. Donc, les autres savants disent que cette bête qui va sortir de la terre, c'est cette bête-là, Al-Jassousa, qui est sur l'île avec le Dajjal. À la kulli hal, il n'y a pas de dalil probant qui nous prouve que c'est ça ou ça. D'accord? Donc on s'en tient quoi? À la généralité, que c'est une bête qui parlera sur terre et une bête d'abba. C'est pas un homme, c'est pas quelque chose de khayali, c'est-à-dire imaginaire, c'est une bête comme l'a dit Ahmed Shaker. Il a des paroles qui est machallah sur ça. Il fait une réfutation à tous les aqlaniyyin, c'est-à-dire ceux qui essayent de rationaliser les textes au maximum. Et ils ont été touchés par le rationalisme en Europe et dans l'Occident d'une manière générale. Et il dit, Allah a dit dabba. Ou dabba, toi en arabe, elle est connue, il n'y a pas besoin d'expliquer par autre chose que dabba. Et ensuite, il fait une réfutation, notamment à Rachid al-Ruban, et d'autres personnes qui ont été touchées par justement ce fikr, ces idéologies qui viennent de l'Europe, qui tendent à rationaliser toute chose. Donc toute chose qui ne rentre pas dans la raison humaine est à rejeter. Donc nous, alhamdulillah, nastaslimu lin-nusus wa nusaddiqu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li'annahu huwa as-sadiq al-masduq sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu tabaraka wa ta'ala qabla dhalika akhbarana bi khuruj ad-dabbati dabbatun kama ya'rifuha al-arab. C'est une dabba. Et d'ailleurs, surat al-Naml, du début à sa fin, elle parle justement des animaux d'une manière générale. Donc elle a tout à fait sa place, ce verset a tout à fait sa place dans cette surat. À la suite de ceci, il y aura trois ouvertures de la terre. Ce qu'on appelle en arabe al-khasf. Al-khasf, c'est quand la terre s'ouvre et que les gens s'engloutissent dedans. Allah tabarak wa ta'ala dit au sujet de Qarun, وخسفنا به وبداره الأرض قارون من قوم موسى خسف به بالأرض خسف بالأرض وخسف هو وبداره Il a été englouti, lui, sa maison et ses trésors dans la terre. À cause de ce qu'il faisait, à cause de son orgueil, etc. Donc, le khasf, c'est ça. Il y aura trois khasf, ou khasafat. Quand on dit il y aura trois khasf, on pourrait se demander, oui, mais il y a déjà eu des ouvertures de la terre. Comment alors faire la corrélation entre cela et cela? Nous disons que les trois, ou les savants disent que les trois ouvertures de la terre qu'il y aura en amont du jour du jugement ou du souffle dans la trompe, à la suite de la sortie de Dabba, ce sont trois ouvertures de la terre majeures, immenses, grandes, qui n'ont pas d'équivalent et qui n'ont pas d'antécédent dans l'histoire. Alors que celles qui sont déjà passées, elles sont plus ou moins relatives et à l'échelle d'une ville, par exemple, hein, ou d'une petite région. Celles-là seront vraiment immenses et beaucoup de gens périront dedans. Alors, bien sûr, la preuve de ceci, c'est le hadith de Hudayfah ibn Usayd al-Ghifari, hein, lorsqu'il a vu le prophète, lorsqu'il a vu ses compagnons en train de, dans la mosquée. Hudayfah a dit, et tala alayna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa kunna natazakar, fa qala lana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma tazkurun, qala nazkuru sa'a, thumma zakara al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 10 آيات من آيات الكبرى قال لا تقوم الساعة حتى تأتي 10 آيات الدبة والدخان والدجال ونزول عيسى بن مريم وثلاث خصف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب ونار تطرد الناس إلى محشرهم ça fait 10. Et là, on retrouve ces trois ouvertures de la terre dans ce hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed et autres. Authentique. Là, ceci va venir aussi en amont du jour du jugement. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'Ummi Salama, بعد سؤالها قالت أيخسف بالأرض وفيها الصالحون قال نعم صلى الله عليه وسلم إذا أكثر أهلها الخبثة. Salama a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ces ouvertures de la terre, est-ce que les gens vertueux périront et tomberont aussi dedans? Et le prophète a dit oui, là, lorsque la plupart des gens de la terre commettront la corruption, le désordre et l'immoralité. Aussi, il y aura ce qu'on appelle Ad-Dukhan, qui veut dire littéralement la fumée. يقول الله تبارك وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم. Ça c'est le verset 9 et 10 de la sourate Ad-Dukhan. فارتقب يوم تأتي السماء. Donc Allah تبارك وتعالى s'adresse au prophète صلى الله عليه وسلم et lui dit, observe lorsque le jour où le ciel viendra avec une fumée claire, mobile, qui couvrira tous les gens. Là, et les gens s'écrieront ce jour-là, ceci est un châtiment douloureux. Ou alors on dira, ceci est un châtiment douloureux. Dans ce verset coranique, il y est fait mention de Ad-Dukhan, Dukhan Mubin. Les savants ont divergé. Est-ce que ce signe-là est déjà passé? Ou alors il est à venir? Pourquoi je cite cette divergence? Car les sahaba eux-mêmes ont divergé. Abdullah ibn Mas'ud dit que ce signe-là est déjà passé. Et il dit que le Dukhan ici, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre son peuple Quraysh, lorsque ces derniers ont refusé son appel, n'ont pas suivi son message, le prophète a invoqué contre eux et les Quraysh ont été touchés par une famine, grande famine, très dure à supporter. Alors, il a été rapporté que beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils regardaient le ciel, ils voyaient comme une fumée. Non, effectivement, c'est vrai. Ça, c'est authentique. Non. Donc, Abdullah ibn Mas'ud, il dit, Ad-Dukhan, c'est déjà passé. Voilà qu'on ne peut pas créditer la parole de Abdullah ibn Mas'ud. C'est pour ça que la plupart des compagnons voient que ce signe-là n'est pas encore passé. Pourquoi? Car Allah dit très bien dans le Coran, فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. Et observe le ciel, et observe le jour où le ciel viendra avec une fumée qui est claire. Donc, ce n'est pas une illusion, comme fut celle des Quraïchites, qui voyaient, qui croyaient voir une fumée, alors que ça ne l'était pas. À cause de quoi? À cause de la famine qu'ils subissaient. Hein? Les shiddatil maja'a, ou les shiddatil jaw'a, kanu yarawna sama ka hay'atil dukhan. Walakin dukhanun khayali. Amma Allah tabaraka wa ta'ala yathkuru bi kulli wuduh, anna hadha dukhan. الذي سيأتي في آخر الزمان سيكون مبينا واضحا. Être clair et net. Là, donc ici, c'est un dohan, une fumée qui est authentique et réelle. Là. Aussi, le hadith de Hudayfa qui nous cite que l'heure ne s'élèvera pas avant de voir 10 signes venir. Et il a cité un dohan. Et nous avions cité un autre verset, un autre hadith du prophète la semaine dernière, ou il y a deux semaines, nous avions dit que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les grands signes vont venir, ils vont se succéder les uns les autres, comme les colliers d'une, comme les perles d'un collier, qui, lorsqu'on le coupe, elles tombent les unes après les autres. Kal kharazat, tatba'u ba'duha ba'da. Elles vont se suivre les unes des autres. Donc, on ne peut pas dissocier ad-dohan du reste des signes. Il est lié dans le temps aux autres signes, aux neuf autres signes. Alors cette dohan, bien sûr, comment elle sera? Ya'khudu bi anfas al-kuffar. Elle va faire mourir les mécréants qui tomberont sous cette fumée. Elle va les faire mourir car elle va pénétrer leur corps et elle va les faire gonfler jusqu'à ce qu'ils meurent. Et les croyants, eux, qui seront encore vivants, eux vont être touchés. Elle va, cette fumée va les toucher et ils vont être comme s'ils seront enrhumés. Comme s'ils seront touchés par le rhume. Ensuite, il y aura le dernier signe. Un feu qui rassemblera les gens. Ila marsharihim. Narun tatrulun nasa ila marsharihim. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est le dernier des grands signes. Ce feu sortira du Yémen. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تخرج نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وفي رواية تخرج من قعرة عدن وفي رواية تخرج من حضر موت. Tout ça c'est au Yémen. Le prophète a dit il sortira de Aden et dans la troisième version il sortira de حضر موت au sud du Yémen. Donc ce feu là lorsqu'il va sortir il va pousser les gens vers le nord, vers la terre, il a ordi le marchand, vers une terre de rassemblement. Attention, ce rassemblement-là n'est pas le rassemblement qu'il y aura le jour du jugement. Deux choses différentes. D'accord? Là, ce rassemblement-là, les gens vont se rassembler dans un endroit précis. Où vont se rassembler les gens? Et où ce feu va les pousser? Il les poussera dans la terre du Shem. Au Shem, qui est l'actuel Moyen-Orient. Quand je dis Moyen-Orient, enlever la péninsule arabique, l'Arabie Saoudite, etc. Le Moyen-Orient, c'est la Palestine, la Jordanie, une partie de l'Irak, la partie est de l'Irak, ouest de l'Irak, la Syrie, le Liban. Ça, c'est le Shem. Donc, le prophète a dit à Sallallahu alayhi wa sallam, concernant les gens qui sortiront, il a décrit ces gens-là. Et ça, bien sûr, à ce moment-là, il n'y aura plus de croyants. Non, les croyants sont déjà partis. Les gens seront de trois sortes, comme a dit le prophète. Il y aura des gens qui seront habillés, vêtus à monture et allant vers le chef. Il y aura une autre vague qui vont se relayer à chameau. Vous voyez, c'est des précisions que nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles paraissent comme ça, pas inutiles, mais elles paraissent comme ça secondaires. Mais elle nous prouve quoi? Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voyait en face de lui toutes ces choses-là dans les moindres détails. Dans des précisions, il nous donne des précisions incroyables. Il nous dit que la deuxième vague qui va monter vers le Shem et qui va être chassée par le feu, ces gens-là seront à dos de monture. Ils vont se relayer sur leur monture par 2, 3, 4, jusqu'à 10 pour une monture. Et une troisième vague dont le feu sera derrière eux. Ceux-là seront à pied, et ils courront pour ne pas être brûlés, et toute personne, et je reprends les termes du hadith ici, toute personne qui prendra du retard sera rattrapée par le feu. Ça, c'est le hadith de l'imam al-Bukhari. Donc, bien sûr, cette terre est au Shem, car les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, si on doit vivre ceci, ماذا تأمرنا؟ قال عليكم بالشام. Si vous devez vivre ceci, alors partez au Shem. Puis le prophète a lu dans un autre hadith aussi rapporté par l'imam al-Tirmidhi, en pointant du doigt « Ha-huna, ha-huna, ha-huna, torcharon » et il pointait le nord, c'est-à-dire le Shem. Pourquoi le Shem? Savant expliquait la sagesse. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a choisi le Shem comme lieu de rassemblement? Car à la fin des temps, le Shem sera une terre de sécurité et elle sera à l'abri des troubles, jusqu'à ce que, après, la corruption reprendra son cours. Et le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, a vanté le champ dans de nombreux hadiths. Abu Daoud rapporte que Abdullah ibn Hawal a rapporté du prophète qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, vous arriverez à former des armées, une au Chem, l'autre au Yémen et l'autre en Irak. Alors, Ibn Hawal a dit, choisis pour moi, ô envoyé, de laquelle je dois faire partie, si je dois être présent. Et le prophète a répondu, celle du Chem, c'est la meilleure terre d'Allah, et s'y refugent les meilleurs de ses serviteurs. Si vous refusez le Chem, alors prenez le Yémen. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma barik lana fi shamina. Allahumma barik lana fi yamanina. Oh Allah, donne tes bénédictions sur le Chem et donne tes bénédictions sur le Yémen. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Voilà le dernier signe parmi les 10 grands signes de l'heure. À ce moment-là, et ça c'est ce que nous verrons la semaine prochaine, Allah tabaraka wa ta'ala va ordonner à ce moment-là, Israfil, de souffler dans la trompe une première fois, qui terrassera tout le monde. Tout le monde sur terre mourra. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Il ne restera que la face de ton Seigneur. Puis Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera une deuxième fois à Israfil de souffler, et à ce moment-là, وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et les voilà debout en train de regarder. Regardez quoi ? La réalité. La vérité. Ce pourquoi ils ont été créés. وَصَلَى السَّبَتْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَمُوتَنَا لَلْتَوْحِيدِ وَأَنْ يُحْيَنَا عَلِيهِ وَأَنْ يَحْشُرَنَا مَعَ الزُّمْرَةِ الْمُوَحِّدِينَ وَمَعَ الزُّمْرَةِ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَمَعَ الصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالْمُتَّقِينَ إنه الولي بذلك والقادر عليه. اللهم زدنا إيمانا وتقوى. اللهم زدنا إيمانا وتقوى. نسأل الله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى بفضله وكرمه. إنه الولي بذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا فاقدا إلا أعطيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.